gang. Yeah. Green Moon Lion, man. L'appât du gain comme arrivé au point de non-retour. Ils servent de nous jusqu'au trafic en bas de tour. Si tu savais combien de fois chez nous ça fait bang. Personne ne bouge, personne ne l'ouvre, tout le monde à terre. Faut faire de l'oseille, emmerde le système. Ils gèrent la chaîne, prennent jamais de lourdes peines. C'est toujours nous, ils font toujours tout. Pour nous traquer, la pas du gain les renforts. Bibi pifton, pifton. On a dans la bouche que des pifton. Gros salé sera la tille, son fiston. De Hagra, Kouchlas, garde à prison. J'ai fait l'école dans un buisson. Négro la rue à son cuistot. Quand la vengeance est un plat qui se mange roi. Mais qui arrive à point comme la cuisson. J'suis fatigué. Laissez-moi faire mon pif. Laissez-moi faire mon billet. Laissez-moi faire mon pif. Les frères du Gates font la guerre sans type. Puis les mères enterrent leur fiston. Mais c'est la vraie vie, c'est pas de la fiction. C'est la street life là où l'on se fume comme par addiction. Andec Roya, 22-22, les stars dans la gova. Balle en argent pour perforer le convoi. Y'a que dans le car cellulaire que l'on sait où l'on va. Mais j'viens pas chialer ma peine, ni m'inventer une vie de bandit. Comme ces rappeurs de merde et leur story plus mytho que la virginité de Nabila ou d'ailleurs. La part du gang comme arrive au point de non-retour. Ils servent de nous jusqu'au trafic en bas de tout. Si tu savais combien de fois chez nous ça fait bang. Personne ne bouge, personne ne l'ouvre, tout le monde à terre. Faut faire l'oseille, emmerde le système. Ils gèrent la chaîne, prennent jamais de lourdes peines. C'est toujours nous, ils font toujours tout. Pour nous traquer, la patte du gain les renforts. J'ai toujours limite ceux qui parlent de moi. En mauvais we green, le monde est à moi. Lié entre les lignes, je suis couronné roi. Ils n'ont pas de style, c'est que de la merde que je vois. Fuck you mean, double RM, je vois que des victimes. Média radio que j'élimine. Parano rageux que des mesquines. Du 94 que 78. Que des vrais rebeux, des ronins qui tirent. Du 94 que 78. Que des vrais rebeux, des ronins qui tirent. On peut faire de l'argent comme on peut faire du crime. Tu peux crier à l'aide. Welcome to Paname, les deux parisiens m'ont soigné dans le game. Grimo et Lion, au-dessus de la moyenne. Cash money à mon pétrole, les barrières pour se barrer ailleurs. La part du gain comme arrive au point de non-retour. Ils servent de nous jusqu'au trafic en bas de tout. Si tu savais combien de fois chez nous ça fait bang. Personne ne bouge, personne ne l'ouvre, tout le monde à terre. Faut faire d'oseille, emmerde le système. Ils gèrent la chaîne, prennent jamais de lourdes peines. C'est toujours nous, ils font toujours tout. Pour nous traquer, la patte du gain les renforts.